Mais il me semble que la porte du salon est ouverte, dit la cousine bête. Allons donc voir si M. Crevel est parti. Maman est bien triste depuis 2 jours. Le mariage dont il était question est sans doute rompu. Bah, ça peut se raccommoder. Il s'agit, je puis te dire cela, d'un conseiller à la cour royale. Aimerais-tu être madame la présidente? Va, si cela dépend de M. Crevel, il me dira bien quelque chose, et je saurai demain s'il y a de l'espoir. Cousine, laisse-moi le cacher, demanda Hortense. Je ne le montrerai pas. La fête de maman est dans 1 mois. Je te le remettrai le matin. Non, rends-le-moi. Il y a un écrin. Mais je le ferai voir à papa, pour qu'il puisse parler au ministre en connaissance de cause, car les autorités ne doivent pas se compromettre, dit-elle. Eh bien, ne le montre pas à ta mère. Voilà tout ce que je te demande. Car si elle me connaissait un amoureux, elle se moquerait de moi. Je te le promets.